بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Déjà avant de commencer le hadith d'aujourd'hui, un tambih par rapport à l'exemple que j'avais cité dans le hadith, le 33e hadith, qui était le hadith à l'al-mudda'il bayyina que celui qui avance une chose doit apporter la preuve et que celui qui la nie doit faire un serment. Il doit jurer par Allah. Et à la fin du ders, j'avais donné des exemples de cas de personnes en litige. Et j'avais nommé en exemple certains d'entre eux, Ibrahim. Et le plus correct, ça aurait été que je dise un autre nom comme Zayd ou Amr ou des noms quelconques comme cela, car Ibrahim est un nom de prophète. Ce n'est pas interdit, mais c'était juste Mabta Adoub. Il aurait été préférable d'employer un autre prénom pour cet exemple. Donc à la base, si quelqu'un donne des exemples comme ça dans des doros ou autres, le meilleur pour lui, c'est qu'il prenne des noms quelconques plutôt que prendre des noms de NBA, de prophète, de messager. Le hadith, le 35e hadith, qui lui se rapporte au lien de fraternité entre les musulmines, les droits que peuvent avoir les uns par rapport aux autres, et que ce hadith qui va venir, lui, n'est pas dans l'absolu. C'est l'origine, ce qui va suivre est l'origine dans les relations à entretenir entre musulmines, mais il n'est pas dans l'absolu. D'accord ? Il n'est pas dans l'absolu. Dans ces conditions-là, on jetterait beaucoup de choses qui ont un lien avec le jarh wa ta'dil, comme le shir va le citer. Faqal. Qal al-imam muslim rahimahullah ta'ala. Haddathana Abdullah ibn Maslama. Ibn Ka'nabi. Haddathana Dawud, ya'ni ibn Qais. An-Nabi Sa'id, mawla Amir ibn Kureyz. An-Nabi Hurayra. Qal al-Qal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La tahasadu, wa la tanajashu, wa la tabagadu. Wa la tadabaru. ولا يبيع بعضكم ولا بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يغذره ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير لصدره ثلاث مرات بحسب مرء من شر أن يحقر أخاه المسلم كل مسلم على المسلم حرام دامه وماله وعرضه. Donc c'est le hadith qui a été rapporté par Muslim selon Abu Huraira que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne vous jalousez pas et ne faites pas de tanajus, c'est-à-dire le fait de monter les prix lors des ventes. Et ne vous haïssez pas et ne vous tournez pas le dos. Et que aucun d'entre vous ne vende sur son frère, sur la vente de son frère. Soyez des serviteurs d'Allah en toute fraternité, des frères. Le musulman, c'est le frère du musulman. Il ne le laisse pas, c'est-à-dire n'est pas injuste envers lui. Il ne l'abandonne pas, il ne le méprise pas. Et la taqwa est ici. Il indique trois fois en indiquant sa poitrine. Et il suffit à l'homme comme mal que de mépriser son frère musulman. Tout musulman est haram sur le musulman. Son sang, ses biens et son honneur. Naam. فقال أول كلمة فيها النهي عن التحاسد وذلك لأن الحسد يدور بالحاسد والمحسود. Donc il dit, il commence le hadith en citant la jalousie. Et nous avons déjà cité, c'était quoi la jalousie, le hasad? C'est le fait que tu souhaites que le bien chez ton frère cesse. Car la jalousie cause du tort aux jaloux et aux jalousés. Et cela, bien entendu, si Allah l'a voulu. Hein, que Allah l'a décrété. Quand l'État Allah... فإن يكاد الذين كفروا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وقال تعالى قل أعوذ برب الفلق إلى قوله ومن شر حاسدين إذا حسد. Donc Allah dans le sens il dit quoi? Peu s'en faut que ceux qui m'écroient ne te transpercent de leur regard lorsqu'ils entendent leur appel et qu'ils disent certes il est fou. En parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le sens de ce qu'on a dit, Dis, je recherche refuge auprès du Seigneur de l'aube naissante, jusqu'à ce qu'ils disent, et du mal du jaloux lorsqu'il jalouse, lorsqu'il envie. فإذا قدر الله الضرر من الحاسد قد يحصل منه الضرر إما بالعين وإما بغير العين فلهذا أمر الله نبيه أن يستعيذ من شر حاسد إذا حسد. Donc il dit que si Allah a décrété un mal provenant du jaloux, cela peut se produire comme nuisance, comme par exemple qu'il l'atteigne du aïn, du mauvais œil, ou autre que cela. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son messager de rechercher refuge à Fouane, de rechercher refuge du mal, du jaloux, lorsqu'il en vit. ومن المعلوم أن الله هو الذي قسم بين الناس أرزاقهم وأموالهم وأخلاقهم. قال تعالى أم يحسدون الناس لما آتاهم الله من فضله وقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. Donc il dit, il est connu que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a partagé entre les gens leur subsistance. Celui qui décrète, par exemple, celui qui est riche, celui qui est pauvre, celui qui est modeste, et ainsi de suite. Dans leurs biens et même dans leur comportement. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a accordé cela. Comme il dit dans le sens, jalouse-t-il les gens sur ce que Allah leur a accordé comme grâce. Nous avons certes donné à la famille d'Ibrahim le livre et la sagesse, et nous leur avons donné un royaume immense. Puis cite à différentes preuves se rapportant cela que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui accorde le risque à ses serviteurs. وَإِنَّ مِنْ أَشَادَ مَا يُبْتُلِيَ اللَّهُ بِهِ الْيَهُودِ طيب وَمِنْ أَشَادَ مَا ابْتَلَى اللَّهُ بِهِ الْيَهُودِ هُوَ الْحَسَدِ فَبِسَبَبِهِ لَمْ يُسْلِمْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. Et parmi les choses les pires par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé les juifs, c'est la jalousie. C'est pour cela que beaucoup d'entre eux n'ont pas embrassé l'islam. كما قال سبحانه ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال سبحانه والدول تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال تعالى فلما جاءهم عرفوا كفروا به. Donc il dit dans le sens Allah subhanahu wa ta'ala que ceux qui ont mécru parmi les gens du livre n'aiment pas, et parmi les mouchriquins n'aiment pas que soit descendu sur vous du bien de votre Seigneur, et Allah choisit qui il veut pour sa miséricorde, et Allah certes détient la grâce immense. Et dans le sens, Allah dit qu'ils aimeraient que vous mécroyiez comme ils ont mécru afin que vous soyez égaux. Et il dit dans le sens, beaucoup des gens du livre aimeraient s'ils pouvaient vous faire apostasier après que vous ayez eu la foi, que vous deveniez des koufars, par jalousie, par une jalousie enfouie en eux, après que la vérité leur fût apparue. Et il dit dans le sens, et lorsque leur vint ce qu'ils connaissaient, ils mécrurent. Ils mécrurent. Pourquoi ? Par jalousie du fait que la prophétie n'est pas venue chez eux, chez les juifs, mais elle est venue chez les arabes. Ils ont été jaloux de cela, ce qui leur a obstrué le passage vers le fait d'embrasser l'islam. Et que les frères de Youssouf, alayhi salam, ne sont tombés dans leur péché que par cause de jalousie envers leurs frères. يقول أهل العلم أنهم ليسوا بأنبياء فالأنبياء معصومون أن يحصل منهم هذه الكبائر يطلبون من أبيهم أن يأمنهم والواقع أن ذلك كان منهم مكرا بيوسف عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله في سورة يوسف وسورة يوسف من أولها إلى آخرها في هذه القصة. Et c'est pour ça que des gens de science, eux, ont clairement dit que les frères de Youssouf n'étaient pas des prophètes, car les prophètes sont prémunis et sont préservés de tomber dans de tels péchés. Hein? Ces grands péchés-là qu'ont commis les frères de Youssouf, Allah subhanahu wa ta'ala préserve ces prophètes de tomber dans de telles choses. Par exemple, qu'ils désirent de leur père qu'il leur fasse confiance pour par la suite le trahir. Et que cela est un complot de leur part envers Youssouf. alayhi salatu wa salam, et que toute la sourate de Yusuf parle de cela de son début à sa fin. Wa kaza ibn Adam al-awwal yaqtul akhahu bisabab al-hasad. Également, il y en a de même pour le premier fils d'Adam qui tua son frère. Pour quelle cause? Pour la cause de jalousie. Par cause de jalousie. Du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté l'offrande de son frère et pas la sienne. Alors il le tua. Wal yahud anidu al-haq wa abaw al-haq bisabab al-hasadi dafa'ahum ad al-hasadu li daf' al-haq bisabab hasadihim li Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa hum ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa ya'rifuna annahu nabiyyun wa annahu mursalun min 'indillah فالحسد دار بصاحبه جدا يحصل له الإثم ويحصل له الألم الحاسد يتألم ويحترق. Donc il dit que les juifs sont obstinés face à la vérité, qu'ils l'ont refusé par cause de jalousie, du fait que ils étaient jaloux envers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'ils le reconnaissaient parfaitement comme ils connaissent leur fils. Ils savaient très bien qu'il était un messager d'Allah et un de ses prophètes. Cependant, leur jalousie leur a porté nuisance et leur a causé qu'ils ont refusé la vérité. Et que la jalousie nuit énormément à celui qui l'éprouve, qui en éprouve. Hein? Cela le fait tomber dans le péché, cela lui cause des douleurs et cela le ronge. فَالصَّحِيحٌ أَنَّهُ يَلْتَهِبُ وَيَبْقَى وَيَحْتَرِقَ لَا شَيْءٍ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَزِيدَ فِيهِ وَلَا يَنْقُصَ إِلَّا أَنْ يُقَدِّرُ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ. Et c'est vrai que cela, comme on l'a dit, le ronge, le perturbe, du fait qu'il ne puisse ni ajouter ni enlever, c'est-à-dire à la personne qu'il jalouse, sauf que Allah subhanahu wa ta'ala aura décrété. حارب نفسك بدفعها عن هذا الشر مثل الحسد والكبر والغرور والإعجاب والكذب وهذه كلها معاصي يجب على المسلم أن يحارب نفسه عنها. Donc il dit combat ton ego, ta propre personne, afin de repousser ce mal, comme la jalousie, comme l'orgueil, comme l'amour propre, l'égocentrisme et le mensonge, car tous ces péchés, il incombe aux musulmans qu'ils les combattent et qu'ils s'en débarrassent. Ensuite, il passe à l'autre partie du hadith où il dit, je peux sauter des paragraphes hein, comme d'habitude, car là l'explication est assez longue. C'est pour résumer, pour que le hadith soit puisse se contenir dans ce vers, en un seul vers, inshallah. Qawluhu wa la tanajashu, c'est-à-dire ne montez pas les prix. Donc c'est le fait de monter le prix, que personne fasse monter le prix d'une marchandise qui en réalité ne veut pas l'acheter. Juste pour la monter, qu'un acheteur vienne et l'achète plus cher que son prix de base. Et ça, on en a déjà parlé dans d'autres hadiths. Donc, Inch'Allah, on ne s'attarde pas dessus. C'est-à-dire, ne vous haïssez pas. والبغضاء هو أن يبعد الإنسان أخاه المسلم الذي لا يستحق البغضاء لا لكفر ولا لبدعة ولا لمعصية. Donc là, cette haine, cette animosité, c'est que la personne déteste son frère musulman pour une chose qu'il ne mérite pas, ni pour une mécréance, ni pour une innovation, ni pour un péché. Il le déteste comme ça, sans raison. Légiférer. والمؤمنون مأمورون. Et on rajoute un tambih que le fait de ne pas aimer ton frère et de prendre cela comme une adoration, comme une chose qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela te fait tomber dans la bid'a. Si par exemple tu fais le hajj à ton frère juste parce que tu ne l'aimes pas et que ton animosité n'est pas légiférée, n'est pas basée sur des causes agréées par la religion, et que tu vois cela comme étant une adoration envers Allah pour Allah subhanahu wa ta'ala, cela te fait tomber dans la bid'a. نعم. والمؤمنون مأمورون بالتحاب والتآخي والتواصي بالحق وبالصبر والتناصح والتعاون على البر والتقوى ومن كان على فجور وعلى باطل فنصره دفعه عن ذلك الفجور والباطل وهذا من التعاون معه وليس من التعاون معه تأييده على منكره وباطله بل هذا غش وخيانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أنت تحب لنفسك الخير والاستقامة فحب لأخيك كذلك الخير والاستقامة والسنة وأسباب دخول الجنة. Il dit donc les croyants, il leur est ordonné de s'aimer, de se fraterniser, de s'enjoindre dans la vérité et dans la patience et dans le conseil, et dans l'entraide, dans l'obéissance et la piété. Et que celui qui est sur de la débauche et sur du faux, alors le secours à lui porter est de le sortir de son faux, de ce dans quoi il est. Et cela fait partie de l'entraide avec lui. Même s'il ne se rend pas compte, cela est de l'entraide envers lui. Et il ne fait pas partie de l'entraide que de le soutenir dans ses actes blâmables et dans son faux. Et cela même est de l'escroquerie envers lui, de la tromperie envers lui, une trahison. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'aucun d'entre vous ne croira véritablement tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Alors toi, tu aimes pour toi-même le bien et la droiture, alors il faut que tu l'aimes pour ton frère également. Et que tu aimes pour lui la sunna et les causes de rentrer au paradis. Et cela, alhamdoulilah, a déjà été cité dans des autres ahadiths au début du cours. وَقَلِيلٌ مَا يَعْمَلُ قَلِيلٌ مَنْ يَعْمَلُ بِهَدِي الْأَدِلَّةِ الْآنْ فِي مَوْدِعِهَا Et que peu de gens aujourd'hui appliquent ces preuves dans leur contexte. الْحِزْبِ يَنْصُرُ الْحِزْبِ وَالْتَكْفِيرِ يَنْصُرُ الْتَكْفِيرِ وَالصُّوفِ يَنْصُرُ الصُّوفِ وَالشِّيعِ يَنْصُرُ الشِّيعِ وَيَتَنَصَرُونَ عَلَى دَافِ الْمُنْكَرَاتِ وَهَذَا سَائِرُ أَهْلِ الْبَاطِلِ وَهَكَذَا سَائِرُ أَهْلِ الْبَاطِلِ Donc il dit le Hizbi, secours le Hizbi, comme lui. Le Takfiri, porte secours au Takfiri. Le Soufi, ainsi de suite. Et le Shiite, pareil. Il ne se conseille pas dans le fait de repousser ce mal. Et c'est le cas de tous les gens du faux. Et cela, alhamdoulilah, également, précédé dans le cela a déjà été évoqué dans le hadith précédent. Que les gens du faux, à la base, leur est obligatoire de se blâmer les uns les autres pour le mal dans lequel ils sont, comme innovation. Qoluhu wa la tadabaru. Et ne vous tournez pas le dos, ne vous détournez pas les uns des autres. Ma hunak da'i li tadabur bayna al-muslimin madamu ala al-istiqama ala kitabillahi wa sunnat rasulih sallallahu alayhi wa sallam. Ma yajuzu. يلتقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيلهما الذي يبدأ بالسلام وقال صلى الله عليه وسلم إذا حجر أحدكم أخاه سنة كان كسفك دمي Donc il dit qu'il n'y a nul besoin de se détourner les uns les autres, de se tourner le dos, tant que les gens restent sur la droiture et l'istiqama, sur le livre d'Allah et sur la sunna de son messager صلى الله عليه وسلم. Cela n'est pas permis. Et après le hadith, que si jamais les deux muslims se croisent et que chacun d'entre eux se détourne l'un de l'autre, alors le meilleur des deux est celui qui commence par le salam. Il commence son nefs, il passe le salam en premier, celui-là est le meilleur des deux. Et il a dit que si l'un d'entre vous boycotte son frère un an, c'est comme s'il avait fait couler son sang. Donc voyez un peu la gravité de faire le hajj, le boycott, sans raison légiférée. Cela est parmi les kabaïr. وحجر الأهواء مشروع وأهل المعاصي كل بحسبه فقد حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك ومرارة بن ربيع وهلال بن أمية وليس منهم أحد مبتدع ولكن بحسب ما حصل منهم من التخالف وحجر عبد الله بن مغفل بعض أقاربه Donc il dit que le fait de boycotter les gens des passions, cela est légiféré. Également les gens des péchés. Et chacun en mesure de sa transgression. Plus elle est grande, plus le hajj sera sévère. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait déjà, certes déjà boycotté Ka'b ibn Malik, Mirara ibn Rabi' ou Hilal ibn Umayya, les trois qui n'ont pas participé à la bataille de Tabuk. Cela n'était pas des moubtadiens, abadam, ce n'était pas des innovateurs. Cependant, pour leur non, leur absence lors de cette bataille, ils ont été boycottés. Et également, Abdullah ibn Raffal a fait le hajj à l'un de ses proches. C'est lui qui faisait du haf. C'est le fait qu'il lançait des pierres. Et Abdullah ibn Raffal lui a dit que le jeter des pierres ne tue pas l'ennemi, ça casse des dents, enfin, ne tue pas l'ennemi, ni le gibier, et cela peut casser une dent ou crever un œil. Et après, un autre jour, il le revoit en train de continuer à faire du khas, c'est-à-dire il jette des pierres. Il lui dit, je t'ai dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam interdit cela, toi tu recommences, je ne te parlerai plus jamais. Et là, il a fait le hajj. Tamam. Ensuite, il dit, wa hajara sahabatu radhiyallahu anhum ahl al-ahwa. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ala adullukum ala shay'in izaf atayb. Wa les sahaba également ont fait le hajj aux gens des passions. Hein, ils ont fait le hajj. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشحوا السلام بينكم ولا يجوز للمسلم أن يسعى في أسباب التحابب بينه وبين من لا تجوز محبته فالذي ما يجمع بين الأدلة يأخذ جانبا ويترك جانبا. Donc il dit que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم a dit, ne vous indiquerai-je pas une chose que si vous la faites, vous vous aimerez les uns les autres. Propager le salam entre vous. Donc le fait de se passer le salam est une cause d'amour entre les frères. D'où le contraire, que le fait de faire le hajj est une cause qui amène à la rudesse. Hein, et l'animosité entre nous lorsqu'il n'y a pas de raison valable. Et tu le verras, si jamais tu connais des frères, par exemple, avec qui ne s'est rien passé entre toi et eux, qui sont sur la sunna, en tout cas en apparence, et toi également, et que tu vois qu'ils ne te parlent pas, ils ne passent pas le salam, cela va amener quoi? Cela va amener à une animosité entre vous. Pour quelle raison? On ne sait même pas pourquoi. Tu dis, un tel ne passe pas le salam. Pourquoi? Je ne sais pas. Et l'autre, tu lui poses la question. Pourquoi un tel ne passe pas le salam? Tu dis, je ne sais pas. Et après cela, ça amène à quoi? À ce qu'il n'y ait pas d'amour entre les frères. Donc il dit, il n'est pas permis pour le musulman de s'efforcer dans les causes d'amour qui amènent à l'amour pour une personne qui ne le mérite pas. Hein, pour une personne qui ne mérite pas. Et les gens qui ne prennent pas les preuves dans leur intégrité, dans leur totalité, ils prennent une partie et en délaissent une autre. Par exemple, les Khawarij se sont égarés, ce qu'il dit le Shir là, pour cette cause. Ils ont pris les preuves de la menace et ont délaissé celle de l'espoir. Les Murji'a, ils ont péri car ils ont pris l'épreuve sur l'espoir ont délaissé l'épreuve de la menace. Également les Qadariya, les Jibriya, les Nasiba, les Rafida, toute secte a pris d'un côté en délaissant un autre. Ce qui a mené à ces erreurs. Fa wa fil muqabil aydan ashab al-hajj wal mani'un min al-hajj fal hajj ma huwa ala itlaqi. Donc il dit également les gens du Hajj et les gens qui ne le font pas, qui l'empêchent, qui l'interdisent. Le Hajj ne doit pas être appliqué dans son absolu. Il y a des causes. Tout comme il ne doit pas non plus être abandonné dans son absolu. Ceux qui disent qu'il faut faire le Hajj à tout le monde, cela n'est pas vrai. Ou pour n'importe quelle raison. Tout comme ceux qui disent qu'il ne faut faire le Hajj à personne. Cela n'est pas vrai. Et même entre salafis, si des causes y amènent, il peut y avoir du Hajj. Pour une transgression, pour un mal, une injustice, un frère pour le corriger, même un salafi peut faire le hajj à son frère salafi, mais il faut qu'il ait des raisons légiférées. Ce n'est pas comme on veut faire croire que le salafi, à partir du moment où c'est un salafi, tu te comportes avec lui comme si il était un sahabi. Non. Il y a eu du hajj entre les sahaba, entre eux. Celui qui, sur qui s'appliquent les causes du hajj, hein, celui qui, sur qui s'appliquent les causes du hajj, le boycott, alors cela lui est appliqué. Et le chef va expliquer pourquoi par la suite. Donc il dit wa innama yalja'u al-sunnah li hajj al-bida' ilja'an hatta la yahtaru bihim an-nas wa yattabi'unahum ala batilihim wa fi an-naf' aydan al-mubtadi' fal'allahu yanzajir 'an bid'atihi. Donc il dit que les gens de la sunna se préservent pour leur boycott des gens des passions, des gens des innovations. Et également, ils l'appliquent pour que les gens ne se fassent pas tromper par eux et les délaissent et ne le suivent pas dans leurs faux. Et que cela également apporte un profit justement à ce mubtadi'. Car il se peut que par ce hajj, cela le pousse à délaisser sa bid'a. Hein, cela le pousse à délaisser sa bid'a. أهل المعاصي الحجر لهم علاج وما يجوز حجر الأبوين أو أحدهما. قال تعالى وقد ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Donc il dit également le hajj des gens des péchés. Cela est un remède pour eux, une chose qui les aide. C'est-à-dire même un frère salafi qui aurait des transgressions, des désobéissances, des péchés apparents ou quoi, le fait de lui faire le hajj peut être justement une cause de réforme pour lui. Et il n'est pas permis de faire le hajj aux parents, à aucun des deux. Quand on est là, dans le sens, et ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui. Hein, et de la bienfaisance envers les parents. Qoluhu wa la tadabaru. Ma'nahu talwiyah ad-dubur. Donc sa parole, ne vous tournez pas le dos. Tu'rid anhu wa la talqi lahu balan. C'est-à-dire, tu te détournes de ton frère. Tu te détournes de ton frère et tu ne te soucies pas de lui, tu ne portes aucun intérêt. Famin tawfiqillahi lil 'abdi an yanzila. الأدلة في منزلها بحسب فهم السلف رضوان الله عليهم وما يأخذ دليلا ويترك دليلا. Et donc par le tawfiq d'Allah, c'est que le serviteur mette les preuves à leur place, hein, en mesure de la compréhension des salafs. Qu'Allah رضوان الله عليهم. C'est pas il prend une preuve et il en délaisse une autre. Il prend le tout et il agit en conséquence. قوله وَلَا يَبِعْ بَعْدُكُمْ وَلَا بِعْ بَعْد. Sa parole, qu'aucun d'entre vous ne vendez pas les uns sur les autres. فَهَذِهِ لَهَا مَعَانٍ. Donc il dit que cette parole-là a différents sens. On va la dire directement en français. Parmi elles, le fait que par exemple, un de tes frères vende une marchandise à un client. D'accord? À un client. Et toi, tu dis après à ce client, viens, viens, moi je te la vends moins cher. Annule ta vente avec un tel qui a été escroqué, moi je te la vends moins cher. Ça, ce n'est pas permis. Ou le contraire. Le client, par exemple, le client voit un vendeur qui achète une marchandise à un autre client. Il dit au vendeur, donne, moi je te l'achète plus cher que lui. Vends-la moi à moi. Moi je l'achète plus cher que lui. Alors qu'il est en train de négocier avec l'autre. Ou peut-être même que la vente a été accomplie et il dit annule ta vente, moi je te la rachète plus cher. Cela n'est pas permis. Par contre, la vente aux enchères, elle, hein, elle est permise. Car à la base, tout le monde est d'accord que la marchandise a été posée là et le but est de la vendre au plus cher possible, au plus offrant, comme on dit. Et cela en islam est permis. Mais la différence, c'est que là, tout le monde est d'accord et tout le monde est au courant. Il n'y a pas de tromperie, de mensonge. Car le fait de vendre sur ton frère ou d'acheter sur ton frère, cela amène à l'animosité. Hein? Cela l'amène à l'animosité. طيب. Ensuite, il dit وَهَذَا الْحَدِيثُ كُلُّهُ فِي حُقُوقِ الْمُسْلِمِ مِنْ حَيْثُ التَّعَاخِي وَالْمُعَامَلَاتِ. Donc, il dit que ce hadith est entièrement relatif aux droits des musulmans par rapport à la fraternité et aux échanges. Wakunu, sa parole, Wakunu ibadallah ikhwana. Et soyez des serviteurs d'Allah, frère, en tant que frère. Waqala ta'ala, innamal mu'minuna ikhwa. Allah, dans le sens, dit que les croyants, hein, sont des frères. C'est seulement les croyants qui sont des frères. Waqala ta'ala, walu anfakta ma fil ardi jami'a, ma allafta bayna kulubihim, walakin Allah allafa baynahum. Fanzur ala ni'mati. ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما تستطيع أن تؤلف بين رجل ومرأته ولا بين الأخ وأخي ولا بين جار وجاري والله قد ألف بينهم فهذه نعمة عظيمة يجب على المسلمين أن يحافظوا على هذه النعمة كما أخبر الله وأمر بذلك. قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Il dit quoi? Dans le sens que si tu avais dépensé tout ce qui est sur terre, tu n'aurais jamais pu réunir entre leurs cœurs. Cependant, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a réuni entre leurs cœurs. Hein, l'union des cœurs ne provient que d'Allah et non pas du côté matérialiste. Et regarde le bienfait dans le sens que tu avais dépensé tout ce qu'il y avait sur terre. Tout ce qu'il y avait sur terre. Tu ne peux pas joindre ou unir entre l'homme et sa femme, ni entre le frère et son frère, ni entre le voisin et son voisin. Cependant, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui unit les gens entre eux. Et cela est un bienfait immense. Et il incombe aux musulmans qu'ils le préservent. Comme Allah subhanahu wa ta'ala en a informé, ou il dit dans le sens, et rappelez-vous du bienfait d'Allah sur vous, alors que vous étiez ennemis, alors il a uni entre vos cœurs, et vous êtes devenus par la suite, par sa grâce, des frères. Donc l'union des cœurs ne provient pas de l'argent ou autre. Cela sont des causes. Cela sont des causes, comme faire un cadeau à ton frère, faire un sadaqa à ton frère. Cela amène à ce que ton frère puisse t'aimer plus. Cela est certain. Mais cependant, la réalité provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il y a des gens, tu peux leur donner des millions, ce que tu veux, ça ne passera pas. Si Allah ne l'a pas décrété, ça ne passera pas. Naam. Ikhwanan bi ni'matillah. وإلا فهذا من المشرق وهذا من المغرب وهذا أعجمي وهذا عربي لولا نعمة الله ما حصل التاخي. Donc il dit, regarde, hein, la fraternité, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrété et nous l'a accordé. Que celui-là provient d'Orient, celui-là d'Occident, celui-là est non arabe, celui-là est un arabe. Hein, et que si jamais ça n'avait pas été le bienfait d'Allah, que ce bien ne serait jamais accompli, ne serait jamais réalisé. Regarde le bien. Un exemple, et ça, chez les koufars, tu ne trouveras pas. Regarde pendant le Hajj, bien qu'il s'y passe, comme erreur et comme innovation et comme ignorance, regarde les gens, leur apparence. Tu verras des gens de toutes sortes. Des blancs, des noirs, des arabes, des indiens, des asiatiques, hein, de toutes les races. Qu'est-ce qu'ils ont ramené tous en cet endroit-là, en ces jours-ci, particulièrement, c'est le Hajj, Ibadatullah, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, on parle du côté à part, on ne parle pas du côté détaillé, comment est-ce que cette adoration est appliquée, ça c'est autre chose. Mais regarde bien, comme cela les a unis. Et cela, tu ne le trouves pas chez les autres. Et même si en apparence, tu verras peut-être des chrétiens, les juifs, c'est même pas la peine. Les juifs, c'est les plus grands racistes de la terre. Tu ne seras jamais un juif. Quoi que tu fasses, déjà ça prend 10 ans pour se judaïser. Et même quand tu es un juif, tu es une contrefaçon. Tu n'es pas un vrai pour eux. Les juifs sont devenus une race. Il faut le savoir. C'est même plus une religion, c'est une race. Maintenant, pour les gens. Combien de noirs juifs as-tu déjà vu? Combien d'arabes juifs as-tu déjà vu? Combien de gens d'Asie comme les Chinois ou les Japonais juifs as-tu déjà vu? Indonésiens juifs as-tu déjà vu? Je pense pas que tu en aies vu beaucoup. Chez les chrétiens, ouais, tu vas en voir. Mais les chrétiens, c'est une apparence. Mais en vrai, en eux, hein, el radawata ou el barda, c'est l'animosité et la haine entre eux. Alors que les musulmans, nous, c'est la fraternité. Certains ont encore une défaillance sur ce côté-là, un peu de racisme, un peu xénophobie, ce genre de choses. Cela existe. Celui-là est algérien, celui-là est marocain, il ne s'aime pas pour ça. Celui-là est tunisien, et celui-là est libyen, il ne s'aime pas pour ça. Ou celui-là est du sud, celui-là est du nord. Cela existe. Mais cela est une transgression à la religion. L'islam, ce hadith lui-même, hein, interdit cela. Il n'y a aucune cause de division pour la région, le lieu, la race, ou l'origine, ou la ville, ou ce genre de choses. Ça, c'est chez les koufars que tu trouves ça. En islam, cela est interdit. Donc, faire attention. Naam. Wallah, inna l'insana la yuhibba salih aksab ma yuhibbu akrab qaribin ilayhi min al-usa. Que la personne qui est, on va dire, qui a une bonne aqida, un bon menhaj, va préférer une personne pieuse de droiture à ses proches de sa famille, parmi les désobéissants. Demain, tu as un frère salafi qui est droit, tu vas peut-être te préférer à ton frère de sang qui, lui, est un pervers. Mathalan. Je parle des musulmans, hein, je ne parle pas des koufars. Tu as un frère en islam qui n'est pas sur la droiture. Et tu auras un ami, un frère, mais on va dire c'est un ami à la base, vous n'avez pas de lien entre vous, c'est l'islam, qui est salafi comme toi et qui marche sur la droiture, tu vois qu'il est pieux, tu auras plus de plaisir à passer du temps avec lui qu'avec ton frère. Et ça, c'est une réalité. Et ça, min thamarat al-iman. Parmi les fruits de la foi. Il poursuit en disant: ma yasulu ijtima' على الحق إلا باعتصام على كتاب الله والسنة على فم سلف صالح. ولا يصلح اجتماع محق ومبتل أبدا، ولا يصلح اجتماعهم ولفلفتهم صوفي وسني وشيعي وسني وحزبي وقبل ذلك يهودي وسني ونصراني وسني، يصلح هذا أبدا. أين الولاء وأين البراء من أهل الباطل؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين وعزة على الكافرين. Donc il dit qu'il ne trouvera pas d'alliance sur la vérité si ce n'est en s'accrochant au livre et à la sunna avec la compréhension des salaf salih. Tu ne peux pas trouver, tu ne peux pas lier entre celui qui a la vérité et celui qui a le faux. Tu ne pourras pas le lier ensemble. Ni entre eux, par exemple, un soufi et un sunni, tu ne pourras pas. Un chiiri et un sunni, tu ne pourras pas. Un hizbi et un sunni, tu ne pourras pas. Et même avant cela, un juif et un sunni. Et un chrétien et un sunni. Est-ce que cela est acceptable? Cela est réalisable? Sûrement pas. Où est l'alliance? Où est le désaveu des gens du faux? Et là, dans le sens, il dit: ô vous qui avez cru, celui d'entre vous qui apostasie de sa religion, alors Allah viendra avec un peuple qu'il aime et que eux ils aiment. Hein? Doux envers les croyants et puissant envers les mécréants. Naam. فالشاهد من هذا أن القلوب تجتمع على طاعة الله. أما دعوة بعض الناس لمحبة كل من قال لا إله إلا الله على ما فيه من الضلال ولمحبة النصارى ولمحبة اليهود، وهذا دعوة بائرة مرفوضة يردها الكتاب والسنة. الحب في الله والبغض في الله والتأخي أمر مطلوب يجب أن يدعى جميع الناس إليه. فالذي يقول إن أهل السنة لا يدعون إلى التأخي ولا التحاب يكذب عليهم والله. فإننا ندعو إلى التأخي حقيقة والاعتصام حقيقة والائتلاف حقيقة فهؤلاء يغالطون أنفسهم. Donc il dit, ce qui en tire tout cela, c'est que les cœurs ne se lient que sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à la prétention de certaines personnes qui est le fait d'aimer toute personne qui dit la ilaha illallah, quel que soit son hal, il faut que tu l'aimes, cela est un égarement. Également, ce qu'il y a, les gens diffèrent dans leur foi. Des gens vont te dire la ilaha illallah et ils vont invoquer des morts. Il y en a, ils vont dire la ilaha illallah et ils vont peut-être insulter Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ou ils vont insulter les sahaba. Ou ainsi de suite. Des actes indénombrables. Est-ce que le simple fait qu'il ait dit la ilallah fait que tu dois l'aimer alors que tu sais ce qu'il fait? Non. Également, le fait d'aimer les chrétiens, le fait d'aimer les juifs, hein, que cela est un appel, une prêche qui est rejetée, refusée, inacceptable, hein, réfutée par le livre et la sunna. Belle, plutôt l'amour étant Allah, l'animosité étant Allah, la fraternité est une chose désirée. Hein, mais il faut appeler les gens à cela avec la vérité. Quant à celui qui dit que les gens de la sunna n'appellent pas à la fraternité et à l'amour partagé, celui-là, il ment sur eux. Wallah. Car certes, nous appelons à la fraternité, mais la vraie fraternité. Hein? Et à la tâche, à la religion, en toute réalité. Et à l'union. Mais avec ses règles, de façon légiférée. Qawluhu, fil hadith, la yazlimu, qui ne le laisse pas. Il n'est pas injuste envers lui. Hatta wa in kana 'indahu ma'asi aw bid'a, ma yajuzu zulmuhu. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. Donc il dit, il n'est pas permis d'être injuste envers le musulman, même s'il a des péchés, même s'il a des innovations, hein, qui n'est pas permis d'être injuste envers lui. Et le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم a dit: crains l'injustice, car l'injustice sera des ténèbres le jour du jugement. Et on en a déjà parlé également de l'injustice dans le hadith: ya ibadi inni haramtu zulma la nafsi wa ja'altu bainakum muharrama fala tadhlamu. Donc on en a déjà parlé précédemment, donc inshallah on passe au passage suivant. Et comme nous avons dit, même le zulma envers le kafir n'est pas permis. Être injuste envers un kafir, cela n'est pas permis. Et que même nous avions dit que l'invocation du kafir, le kafir qui a été lésé, son invocation est acceptée contre toi. Toute personne que tu lèses, envers qui tu es injuste, que si jamais il invoque contre toi, tu lui as pris son droit, cela se retournera contre toi. Et nous avons déjà parlé de cela dans d'autres hadiths avec les preuves. Qawluhu wa la yakhdhulu. Sa parole, qu'il ne l'abandonne pas. Que le muslim n'abandonne pas son frère. Wa na'udhu billahi min at-takhazul ya ikhwan. Il dit, nous recherchons refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre l'abandon, le fait qu'on se délaisse les uns les autres lorsque nous sommes dans le besoin. Qawluhu wa la yakhdhulu. Sa parole, qu'il ne le méprise pas. Tu ne méprises pas ton frère muslim. Voilà yusallimu. Et qui il ne le vend pas. Fi riwayatin ukhra wa laysa fi hadha al-hadith. Et ça c'est venu dans une autre version du hadith, hein, qui ne le vend pas, qui ne le rend pas, qui ne le livre pas, c'est-à-dire aux kuffar. Hein, les kuffar, cela n'est pas permis. Wa qawluhu la yahkiruhu. Qui ne le méprise pas. Madama min ahli al-haq wa min ahli sunnati huwa ahlun an yujall arabi ou a'jami ou fala yahkir afwan wa yahkiru ahli al-ahwa. Donc le fait de mépriser son frère tant qu'il est sur la droiture parmi les gens de la sunna, les gens de la vérité, non, alors lui il faut le respecter, il faut l'élever, qu'il soit un arabe ou non, le fait de le mépriser n'est pas permis. Par contre, le mépris doit revenir à qui? Aux gens des passions. Comme il dit par exemple, il rapporte par la suite que Abu Tahir, Salafi, rahimahullah ta'ala, hein, a dit que les Atba' ibn Kileb sont des Kileb, sont des chiens. Et également, il fut rapporté que certains Sahaba, comme il dit, quand il est parlé d'Ashab al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'Ibn Saloul, Wallahi, la Rawth, Himari, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Atyeb Urihan Mink. Ils ont dit quoi, Ibn Saloul? Qu'ils ont dit, Wallah, que le crottin de l'âne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a une meilleure odeur que toi. Regardez un peu. Les paroles dures envers les gens des passions. Également, quand l'État Allah, Inna lazini yuhadun Allah wa rasoula, ulaika fil azallin. Que ceux qui se sont opposés à Allah et à son messager sont les plus avilis. Wa qala, وَالَّذِينَ كَسَبُوا سَيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَاتٍ بِمِثْلِهَا وَتَرَكُمُ الذِّلَّةَ. Et que ceux qui ont commis du mal, alors leur rétribution sera un mal équivalent et qu'ils seront rabaissés. فَتَحْكِيرُ أَهْلِ الْبَاطِلِ أَمْرٌ مَقْصُودٌ شَلْعَانٌ وَكُلٌّ بِحَسْبِ. Que le fait de mépriser les gens du faux, cela est une chose désirée en religion et chacun en mesure de son faux. Donc ne pas se laisser avoir par des gens qui disent c'est trop dur. Pourquoi vous parlez comme ça sur un tel? Pourquoi tel terme? C'est vrai qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Mais à la base, les gens des passions, les gens du mal, il est permis que tu les méprises, tu parles mal sur eux. Et cela est une dureté légiférée. Bel Adam ni l'Hikmah. Que tu mettes les choses à leur place. Mais il faut le faire avec les gens appropriés, pas avec n'importe qui. Le fait de mal parler aux gens du faux, tant que cela n'amène pas à des vulgarités ou à des paroles perverses ou ce genre de choses, il est permis que tu le méprises et que tu le rabaisses devant tout le monde. Pour le mal qu'il a fait. Donc attention, l'aïflat avant la taflit. Que les gens ne disent pas non plus, les salafis sont durs, ils parlent mal, ils insultent. Cela n'est pas vrai. Wallah, cela n'est pas vrai. Et pour ceux qui veulent plus d'exemples de paroles dures prononcées par les salafs envers leurs opposants parmi les gens du faux, cela a été cité dans la clarification contre les mensonges qui ont été attribués à Shariah al-Hajouri. Regardez, il y a plusieurs pages citées où des paroles de salafs avec des paroles dures envers les gens des passions. Regardez les exemples, afin que les personnes se rendent compte qui sont les salafs et qui sont les prétendants aujourd'hui qui les suivent et qui critiquent cette méthode. Non. Donc il dit, فَهَذَا عَلِي أَدِلَّتُهُ مِنِ الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ وَمِنْ فَهْمِ السَّلَفِ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ شَيْخُنَا رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ارْقَدُوا أَهْلَ الْأَهْوَاءِ بِأَرْجُلِكُمْ وَامْشُوا. Regardez un peu ce qu'il dit. Que ces choses-là ont des preuves à l'appui du livre de la sunna, hein, de la compréhension des salafs. Et que Shi'an Mokbi, rahimahullah ta'ala, il disait quoi, hein? Mettez un coup de pied aux gens des passions en passant, au passage. Tu passes, tu lui mets une talonnade, comme on dit. Shi'an Mokbi lui-même le disait. Tu passes, tu lui mets un coup de pied en passant. Verbalement, bien sûr, tu ne mets pas un vrai coup de pied. Ah, tu frappes pas. Mais dans le sens pour dire, tu le méprises. Tu vois, tu perds pas ton temps avec lui. Tu passes, hop, un coup de pied au passage et je m'en vais. C'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est un tarkir. C'est un rabaissement de sa personne pour le faux qu'il a. Et Shimon Bouboul était connu, il était très dur envers la jeune des passions. Très très dur. Et des gens disent aujourd'hui que Shimon Bouboul était doux et que Shia Yahya dépassait les limites. S'il connaissait Shimon Bouboul, je ne sais pas ce qu'il dirait réellement. Voilà, on ne sait pas ce qu'il dirait. Et Shimon Bouboul lui-même par rapport à des salafs, il n'était rien. Des salafs étaient bien plus durs que lui encore. Les salafs étaient très très durs envers les gens des passions et les gens de l'innovation. Naam. Et notre exemple, il a leur suivi. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'ignorance s'est propagée au sein des gens, donc il faut faire attention comme on s'y prend, comme on parle. Ce n'est pas non plus le dire à n'importe qui, n'importe quand. Il faut faire attention à la maslaha, par rapport à ceux qui t'écoutent, ceux qui ne savent pas, ainsi de suite. D'accord ? Mettre les choses à leur place, et cela vient avec la recherche de la science auprès des savants, savoir quand le faire, quand ne pas le faire. Naam. Ensuite, il dit « Fal yahoudi yuhakkar aksar » وهكذا الصوفي على ما عنده من البدع والشيعي على قدر ما عنده من البدع يحكرون ولا يرفع لهم قدر والله عز وجل يقول لنوح عليه السلام إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. Donc il dit, le juif on le méprise encore plus, hein? Le juif plus un kafir déjà. Le kafir tu le méprises vraiment autant que tu peux. Comme dans les hadiths cela est venu que s'il passe dans un chemin étroit, dans une rue, toi tu le resserres le chemin. Mais ça c'est où? Dans un pays d'islam où les musulmans sont en force. Tu fais ça en France, tu auras des problèmes. Ne le fais pas en France. Tu n'amuses pas à lui coincer la route en France, c'est toi qui auras des problèmes. Mais demain, un pays où l'islam est en force, hein, et en puissance, et que les koufars sont en minorité et n'ont pas d'autorité, fais-le. Fais-le. Et également le soufi, on le méprise pour ce qu'il a comme innovation. Et le chiite, pareillement. Hein, on les rabaisse. Et aucun respect. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à son messager Nuh, alayhi salam, en parlant lorsque son fils a été noyé, il dit, lorsque Nuh lui a dit que son fils est de sa famille et que sa promesse est cette véridique, il lui dit quoi? Dans le sens, il n'est pas de ta famille. C'est-à-dire, comme c'est un kafir, il n'est pas des tiens. Et que cette demande n'est pas une œuvre pieuse. Le fait de demander en sa faveur, car c'est un mécréant. Il a mécru, donc il n'est pas des tiens. Naam. Ensuite, il poursuit en disant, on lâche un passage, lorsqu'il dit, wa qawluhu fi hadha al-hadith, kullu al-muslim 'ala al-muslim haram, damuhu wa maluhu wa 'irduhu, qui dit que le musulman est entièrement interdit sur le musulman, son sang. Ils sont rappelés dans le hadith, la yahlu dam al-mar'i al-muslimin ila bi ihda thalath, que le sang du musulman n'est pas permis sauf dans trois cas. وماله, et c'est bien. وعرضه, et son honneur. يقول أعراض المسلمين الأصل فيها الحرمة وإنما لا يخرج عن هذا الأصل إلا ما خرج بالدليل مثل أن يكون غشا أو يكون مبتدعا فالأدلة فللأدلة أخرى ومنها قول الله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. نعم الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم والأدلة الجرح والتعديل وأدلة بيان حال المنافقين وبيان حال الكافرين وحال الفاسقين من القرآن والسنة ما يتسع الوقت لذكره ذكرناه منها في المقدمة الطبقات نبذة يسيرة مع نقل الإجماع في ذلك. Donc il dit que c'est vrai que la base c'est que l'honneur du muslim cela est interdit, qu'il ne faut pas le bafouer. Et que cela ne sort de son origine qu'avec une preuve. Hein? Comme par exemple, un escroc ou un innovateur. Ces personnes-là, leur honneur, eux, c'est eux-mêmes qui l'ont bafoué par leurs actes. Donc il t'est permis de parler sur eux. Et également, au début du cours, nous avons cité les six causes où le riba est permis sur le musulman. Naam. Taïeb. Et le fait de démontrer, bien sûr, le cas des gens du faux, comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens où il dit, et de cette manière, nous éclaircissons les versets, ou nous démontrons, plutôt nous détaillons les versets, afin que s'éclaircisse la voie des criminels. Donc le fait de démontrer les gens du faux, cela est légiféré. Ce n'est pas du riba. Du moins, du riba muharram. C'est du riba, ça s'appelle du riba, naam. Le ratan ira dans la définition, mais il est permis. Dans ce cas-là, il est permis. Donc il dit, le din c'est un nasiha pour Allah, pour son livre, pour son messager, pour les gouverneurs et pour les gouvernés, et que l'épreuve de Jarh Ta'dil, pour démontrer le hal des munafiqin et le hal des kuffars et le hal des pervers, des foussaires, sont multiples, très nombreux dans le Coran et la Sunna, dont le temps ne nous permet pas de tous les évoquer. Et que nous avons déjà cité une partie de cela dans l'introduction du livre, At-Tabaqat. Pour celui qui veut y revenir, c'est un livre qui est en arabe. Où Shir cite tout ce qui s'est passé après la mort de Shem Mokbil, la situation des gens, comment est-ce qu'ils sont devenus. Et même ce livre, malheureusement, aujourd'hui, est à refaire, car la situation a encore changé depuis. Donc de là s'achève le char de ce hadith, qui était relatif au droit du muslim, la fraternité, comment la préserver. Naam. Et le droit du muslim a son origine, et que des gens, bien entendu, sortent de ce cas. Ce n'est pas dans l'absolu. Sinon, cela amènera quoi? Au tamir, que personne ne parle sur personne, tout le monde fait ce qu'il veut. Et cela n'existe pas en islam. Comme le hadith que nous avons pris déjà auparavant, qui est le fait de changer le mal par la main pour celui qui peut, ou par la langue pour celui qui peut, par son cœur. Et le mal, quel est-il? De tout genre. L'innovation rentre dedans, la perversion rentre dedans, les transgressions rentrent dedans. Donc il est permis de parler dans des cas spécifiques, même de nommer, même des fois c'est obligatoire de le faire. Naam. Fabien d'accord, on a ta fille, on a coulé subhanaka, l'homme, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.